Yeah. MC, no, no. No. MC, no, no. Enough. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Asili sanga soni, bafaze balo baba lemba Alo binaza special, tango na piaka biloko Tease me, squeeze me, feel me, me Baby, baby, do me, me Hey, tu fatigue Encore une fois de plus, tu m'as troublé. Non, coco, la latina, snabo, nanga. Une centaine de filles qui t'ai voulé. Oui, ayo, mote, ma, epona, kanga, ra, ra, ra, ra. Dans ta tête, tu n'y a que moi. Hey, tu veux transpirer sous mes bras. Wow, baby, t'es ma banana. Y'a qu'à ton sala, nana, lingako. Baby, t'es ma banana. Y'a qu'à aussi, manga. Tu fatigues, no, no. Hey, tu fatigues, no. Hey, tu fatigues, no, no. Hey, tu fatigues, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Moto pela, soyo pesi butu pesa petango Na mote manangoza ya moka Kwe mtoto unanitesa Mwana zengi biloko Tease me, squeeze me, feel me, me Baby, baby, do me, me Hey, tu fatigue No, no Hey, tu fatigue No Hey, tu fatigue No, no Hey, tu fatigue Hey, tu fatigues? No, no. Hey, tu fatigues?